Comme c'était dimanche, la petite Fadette ne cousait ni ne filait en gardant ses ouailles. Elle cherchait le trèfle à quatre feuilles qui porte bonheur à ceux qui peuvent mettre la main dessus. « L'as-tu trouvé, Fanchon ?» lui dit Landry, aussitôt qu'il fut à côté d'elle. « Je l'ai trouvé souvent, » répondit-elle, « mais cela ne porte point bonheur comme on croit, et rien ne me sert d'en avoir trois brins dans mon livre. » Landry s'assit auprès d'elle, comme s'il allait se mettre à causer. Mais voilà que tout d'un coup, il se sentit plus honteux qu'il ne l'avait jamais été auprès de Madelon. La petite Fadette prit honte aussi, car le Besson la regardait avec des yeux étranges. « J'ai suivi ton conseil, et j'ai pensé pour avoir l'air raisonnable qu'il fallait commencer par m'habiller raisonnablement. J'ai peur qu'on se dise que j'ai voulu me rendre moins laide sans y réussir. On dira ce qu'on voudra, dit Landry, mais je ne sais pas ce que tu as fait pour devenir jolie. La vérité est que tu l'es aujourd'hui. Tu te moques pas, Landry, mais ce n'est pas de cela que tu venais me parler, et j'attends que tu me dises si la Madelon t'a pardonné. Je ne viens pas pour te parler de la Madelon. Je sais que tu lui as parlé, et si bien parlé que je t'en dois grand remerciement. Comment sais-tu que je lui ai parlé? Parce qu'elle l'a dit à quelqu'un qui me l'a rapporté. Qu'est-ce que la Madelon a donc dit de moi? Elle a dit que j'étais un grand sot, qui ne plaisait à aucune fille, pas même à la petite Fadette. Que la petite Fadette me méprisait, me fuyait, s'était cachée toute la semaine pour ne me point voir. Quoique toute la semaine, je se cherchais et couru de tous côtés pour rencontrer la petite Fadette. C'est donc moi qui suis la risée du monde, Fanchon, parce que l'on sait que je t'aime et que tu ne m'aimes point. Voilà de méchants propos. Mais il faut lui pardonner cela, Landry, car c'est le dépit qui l'a fait parler. Et le dépit, c'est l'amour. Peut-être bien, dit Landry. C'est pourquoi tu n'as point de dépit contre moi, Fanchon. Tu me pardonnes tout, parce que de moi, tu méprises tout. Je n'ai point mérité que tu me dises cela, Landry. Non, vrai, je ne l'ai pas mérité. Je n'ai jamais été assez folle pour dire la menterie qu'on me prête. J'ai parlé autrement à Madelon. Ce que je lui ai dit n'était que pour elle, mais ne pouvait te nuire, et aurait dû bien au contraire lui prouver l'estime que je faisais de toi. « Écoute, Fanchon, dit Landry, ne disputons pas sur ce que tu as dit ou sur ce que tu n'as point dit. Je veux te consulter, toi qui es savante. Dimanche dernier, dans la carrière, j'ai pris pour toi, sans savoir comment cela m'est venu, une amitié si forte que toute la semaine, je n'ai mangé ni dormi mon sou. Depuis lundi, tous les matins, je suis comme imbécile, parce que l'on me plaisante sur mon goût pour toi. Et tous les soirs, je suis comme fou, parce que je sens mon goût plus fort que la mauvaise honte. Et voilà qu'aujourd'hui, je te vois gentil et de si sage apparence que tout le monde va s'en étonner aussi, et qu'avant 15 jours, si tu continues comme cela, non seulement on me pardonnera d'être amoureux de toi, mais encore, il y en aura d'autres qui seront bien forts. Je n'aurai donc pas de mérite à t'aimer. Pourtant, si tu te souviens dimanche dernier, tu te souviendras aussi que je t'ai demandé la permission de t'embrasser, et que je l'ai fait avec autant de cœur si tu n'avais pas été réputé laide et haïssable. Voilà tout mon droit, Fadette. Dis-moi si cela peut compter, et si la chose te fâche, au lieu de te persuader. » La petite Fadette avait mis sa figure dans ses deux mains, et elle ne répondit point. Il lui ôta ses mains du visage, et la vit si pâle qu'on eût dit qu'elle allait mourir. Et comme il reprochait vivement de ne pas répondre à l'affolement qu'il se sentait pour elle, elle se laissa aller sur la terre, joignant ses mains et soupirant, car elle était suffoquée et tombait en faiblesse.